nana ngoya hol mom to jido gondi leydi nana boya lambe jagir amina bamli gilenden ha joni amina ero balangal to woni ardibe djiki gero tobo jolo jene sam nati wurde nyabune tello to min kodi nati wurde kala ne min pini amin beedo faade hol to min payni to min jogori faade diplomaaji juude amen lacce min gollo laade nay pitali amen e maaji de min jolo ngam ridir hege donc leydi koko renda keben nafare gonka to paden en ganda basal wari min politique mon halki min même loi même justice on a les mêmes dirigeants yo golle pour hala on a les mêmes opposants force tranquille et rima yidi mama noto da wadde yo yunyi wallo oyo nyagi ko alawon ballo oyo to tenyu dunde ni bale Lady ma ko lady men ye enen fonde ni poti en ye ye lady ni mi amana alli kono basal antandu mi kono lady ni mi amana alli kono ye so ma jon antan peido minati yidile sugabe benangoya minati yidiral mu benangelo darne moni amen yo fen sab minen badi modon to to to ngondon ko minen jojini modon ko lawol min nando ko min jey go tagar ne min jiyata mon to min godido sundungu dori nyapuli kewa politisme wo pari kolera gumode e jonde e la meliji yoti nyangandu don ko kolle buri ha yo yunyi tunyi wala oyo nyagi ko alawon ballo oyo bakka tenyu dunde ni bale En 1960 à Johnny, on a les mêmes dirigeants. Jaya funera dara, amin pas du changement. Changement moral et changement politique. Changement total, valoriser ma république. Président, officier, maire et policier. Opposant, douanier, gouverneur et jardinier. Le monde en avant, mon pays en recul. Magistrat, procureur, mon compagnie est civile. Ma constitution touchée, l'injustice nous rabat. La nationalité touchée, que ce système dégage. C'est pour tous mes frères qui ont le drapeau jeune père. Qui l'ont dans le cœur, Mauritanien est fier. Oui, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani, Minjani